10 ans de prison ferme, on nique leur putain de game. C'est pour les frères solitaires, mais qui pour leur sera reste solidaire. Vite de prendre 10 ans de prison ferme, on nique leur putain de game. C'est pour les frères solitaires, mais qui pour leur sera reste solidaire. Crypto, tu es ce que je te dis, reste en arrière, surveille les. Si ça bouge, n'hésite pas à faire feu, même si on n'est que deux, on les niquera. Blessera pas qu'un peu, eux c'est sur leur slip, nous c'est sur le bitume qu'on laisse nos traces de pneus. J'suis trop chambé, j'ai le flow saccadé. Si tu nous cherches, on est derrière toi, prêt à te canner. Chez nous, c'est les bécanes qui sont cabrés et pas notre équipe. Arrête de parler street, tout ce que tu fais d'illicite, c'est de fumer du shit. On se venge, on n'attend pas que les choses changent, on les change nous-mêmes. Les pucelles, n'écoutez pas mon son, vous allez en perdre l'hymen. Les jaloux, suicidez-vous, ça nous évitera de prendre 10 ans de prison ferme. 10 ans de prison ferme, 10 ans de prison ferme. 10 ans de prison ferme, 10 ans de prison ferme. On nique leur putain de game. C'est pour les frères solitaires, mais qui pour leur sera reste solidaire. Vite de prendre 10 ans de prison ferme. On nique leur putain de game. C'est pour les frères solitaires, mais qui pour leur sera reste solidaire. Panique et ta mère, c'est mon côté Anelka. Mes bases sur mes bases, vos complots ne m'atteignent pas. Fuck le psy, j'ai ma taïga. Au pire, on prend une red bar. Négro, j'suis un vrai gars, t'es qu'une rumeur comme Al-Qaïda. Ne me cherche pas chez les stars, poto, retrouve-moi sur Google. On te nique ta mère à plusieurs, avant la barre, j'assume tout seul. T'as renseigné les stars, mais bon, j'suis pas ça avant un coup de filet. J'suis pas armé quand j'te parle, mais j'suis aussi dangereux qu'un mec qu'il est. Parle ou bien, on met la ferme. Vous faites avec les bons termes, pour m'éviter de prendre 10 ans de prison ferme. Ce qu'on veut nous c'est la caisse. Joue pas la justicière, pour m'éviter de prendre 10 ans de prison ferme. Évite de prendre 10 ans de prison ferme. On nique leur putain de game. C'est pour les frères solitaires, mais qui pour leur sera reste solidaire. Évite de prendre 10 ans de prison ferme. 10 ans de prison ferme. On nique leur putain de game. C'est pour les frères solitaires, mais qui pour leur sera reste solidaire. À force de mettre des bananes, t'étonnes pas de manger des pêches, non. Tomber dans les pommes à cause d'une patate éclair. C'est clair, j'suis sale comme l'eau du lac de Mour. Dis pas que c'est l'amour de ton gars qui te font ses marques de coups. Oh, j'ai une grande importance comme les premières dents de Maxence. Il faudrait que j'm'absente pour que le rap soit moins lassant. J'utilise mes 500 et j'fais des 16 menaçants. Oh, une prod existante, j'balais ton existence. Certains me trouvent exubérant. J'exhiberai ta corpulence. T'arrives en 6.3 ml, repars en ambulance. Elle sait ces cryptos qui bougent, on va saigner Dexter. J'crie pas ma Zeltov quand j'viens de casser un verre. 10 ans de prison ferme. On nique leur putain de game. C'est pour les frères solitaires, mais qui pour leur sera reste solidaire. Vite de prendre 10 ans de prison ferme. 10 ans de prison ferme. On nique leur putain de game. C'est pour les frères solitaires.